de stress, on m'a dit gros c'est quoi cette vie là. Je veux la retraite d'Indira, sans un divan avec ma diva. Gros j'ai ta mère fils, peut-être m'en bats les couilles de ce que tu me dis là. Mon gros crois pas que j'ai peur, dans les sacs c'est pas des dealers. J'abouille dans un resto de pâte, la serveuse s'appelle Gila. Dans la tête j'ai trop de restina, je me balade dans la cuisine. J'suis sur un yacht, 30 mètres en couverture des magazines. J'ai la base à son pouvoir, j'rajoute deux glaçons pour voir. Si bâtard j'ai encore rêvé que cette année j'allais tout boire. Qu'une équipe va baisser ta mère, leur tenue sera tout noire. T'iras pas loin comme 200 mecs qui courent dans un couloir. En plus de day, plus de taf, t'auras plus de pay. Plus de taf, t'auras plus de pay. Plus de taf, t'auras plus de pay. C'est vrai que toi me t'as une bouche de vieille. J'ai des scores comme une puce de miel. C'est pas le mode d'espoir parce que tu veux vieux. Oui. Jamais je ne paierai pour que tu me reçues. Non. Avec ma jambe dans les roues de Dieu. Oui. Y'a des vampires, j'entends les cris de hyène. Ouais. Bordel, je veux pas tout faire. Déjà, je suis pas ton frère. Fais chez bien, tu peux être mon gosse. Si j'ai l'âge de ton père, si j'ai l'accès sur la mer. Ouais. C'est parce que j'ai bossé des grosses affaires. Hey. Sur la vie de ma mère qu'on bosse. J'aimerais beaucoup faire des gosses. Quand baiser ta mère comme Ragnar, que mon cœur dans toi ton os. Je faisais des photos de classe, sur la tête j'avais des bosses. J'avais le regard d'un boss, mais pour eux j'étais l'os. Y'a la base à son pouvoir, j'ajoute deux glaçons pour voir. Si bâtard j'ai encore rêvé que cette année j'allais tout boire. Qu'une équipe va baisser ta mère, leur tenue sera tout noire. T'iras pas loin comme 200 mecs qui courent dans un couloir. En plus de day, plus de taf, tu auras plus de paye.